Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 3 février 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 4 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Rebonsoir, c'est le journal de la liberté surveillée et c'est en deuxième partie, c'est le club de la presse. Je reçois ce soir Camille Gallic, bonsoir Camille. Bonsoir. Jérôme Bourdebon, bonsoir. Et Jeanne Smith. Bonsoir Martin. Bonsoir Jeanne. Et on attend la petite dernière, mais elle est comme Henri de Lesquin, est en retard. Donc Charlotte n'est pas encore là. Alors, il y a 100 000 sujets, on va commencer par un bout, je ne sais pas lequel. Si, on va peut-être parler de politique étrangère, parce que ça fait plusieurs fois que Camille n'était pas là, donc j'aimerais savoir ce que vous pensez, Camille, du Brexit et de Cameron, de ces négociations avec Donald Tusk et compagnie. Qu'est-ce que ça peut donner, d'après vous ? Personnellement, je serais assez contente que la Grande-Bretagne fasse son Brexit. Je regrette qu'elle soit rentrée dans l'Europe avec tous ses clients de l'époque, ce qui a changé complètement la physionomie de ce qu'était la communauté européenne, économique européenne. Je dois dire que j'ai des nostalgies européistes, donc sans doute seule ici, et je regrette terriblement l'évolution qui s'est produite depuis l'initiative de Pompidou, oui, de faire rentrer justement... avec l'Angleterre, avec le Royaume-Uni, une zone de libre-échange, comme ça s'appelait d'ailleurs, l'organisation, l'AELE, à laquelle participait la Grande-Bretagne. Mais je pense que Bruxelles mettra absolument tout en œuvre pour que, de toute manière, Londres reste dans l'Union européenne. C'est-à-dire que ce sera la pire des solutions avec la Grande-Bretagne qui reste et un maximum de plus en plus de concessions. Voilà. Paiera très cher. Que le reste du continent, et particulièrement la France et l'Allemagne, l'Italie et le paieront très cher. C'est l'opinion générale ou il y a des... Alors, une opinion sans doute différente de celle de Camille, puisqu'en effet, je ne pense pas que l'Union européenne telle qu'elle s'est dessinée aujourd'hui soit une bonne chose. Et je pense que justement, le Royaume-Uni a toujours su plus ou moins tirer son épingle du jeu, imposer ses conditions avec force, avec un certain nationalisme, si l'on veut. Et que aujourd'hui, elle est... un petit peu dans la même optique, si tant est que l'on puisse faire confiance à David Cameron là-dessus. Peut-on lui faire confiance de demander réellement des choses qu'il veut voir mises en œuvre, ou est-il simplement inquiet de son électorat ? Je pense que la deuxième solution est sans doute la bonne. Nous ne savons toujours pas s'il obtiendra toutes les concessions qu'il demande, notamment par rapport aux immigrés d'origine européenne, les très nombreux, oui, millions de Polonais et les autres qui, au Royaume-Uni, sont très très très bien reçus en termes d'allocations diverses. Et comme on le sait, le Royaume-Uni souhaite obtenir des moratoires pour les nouveaux immigrés, ce qui est, somme toute, son droit. Est-ce que le Royaume-Uni va y réussir ? Je n'en sais rien. Ce qui me frappe énormément, c'est, comme d'habitude, la manipulation qui se joue aujourd'hui. Je crois que l'on va à marche forcée vers un référendum en juin, tout simplement parce que la presse britannique souligne, avec raison, que les images des migrants Et les mauvaises nouvelles du type Cologne 2016 qui arrivent du continent poussent de plus en plus de Britanniques à suivre l'exemple de Nigel Farage, qui a toujours été d'une grande franchise sur ce qu'il pensait de l'Europe, de sa gabegie, de ses règlements et de tout ce qu'elle représente de mauvais pour le Royaume-Uni. Ils ont raison, hein, ils ont raison de vouloir dire ce qu'ils désirent dire, mais je pense qu'il y aura sans doute une petite manipulation, parce que comme vous le disiez Camille, je pense que le départ du Royaume-Uni va avoir des répercussions extrêmement profondes sur le reste du Royaume-Uni, le reste de l'Union européenne, ne serait-ce qu'en montrant qu'il est possible d'en sortir. Je salue l'arrivée de Charlotte. Bonsoir Charlotte. Je crois que l'Union européenne, dès son origine, qui s'appelait la CE, est une construction mercantile reposant sur les principes de Nuremberg, de démocratisme, de droit de l'hommisme, antinationaliste, souvent atlantiste. Et par conséquent, je crois que dès le départ, cette Europe était, me semble-t-il, tout à fait condamnable et ne pouvait rien apporter de bon aux nations européennes la composant. Et il me paraît que la France y a beaucoup perdu depuis plusieurs décennies. Sur le plan industriel, sur le plan agricole, sur tous les plans, et sur le plan de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Hein, je rappelle souvent que la France est le seul pays au monde dont la monnaie portait le nom et dont le nom était une vertu. Franc, qui veut dire libre. Et de ce point de vue-là, il est certain que toutes les choses se rejoignent en quelque sorte. Il y a l'immigration européenne, extra-européenne, qui nous envahit depuis un demi-siècle, et en même temps ces abandons de souveraineté à une Europe supranationale. Et donc, lorsqu'on additionne les deux, eh bien, on se retrouve dans une situation tout à fait catastrophique et inédite dans notre histoire. Alors, pour se faire suite sur la question de la migration, je viens de lire dans, c'était sur Orange, je crois simplement, que la sortie de Schengen coûterait 10 milliards à l'économie française. C'était des experts, un comité d'experts auprès du gouvernement, naturellement, qui le dit. Et d'après lui, on perdrait ces milliards à la fois dans l'activité frontalière, qui serait tout à fait réduite et restreinte, et aussi parce que le tourisme serait limité, et également parce qu'un ralentissement des échanges. Alors, je crois que, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'expertise D'abord, c'est 10 milliards par an, si oui, j'ai bien c'est, lu. C'est par an. C'est oui. pas ah, c'est, une somme globale. C'est beaucoup plus. C'est par an. Oui. Bon, les échanges frontaliers européens, me semble-t-il, étaient très antérieurs. À Schengen. Schengen. Donc les Alsaciens n'ont pas attendu Schengen pour pouvoir passer très facilement en Allemagne. Les Français en Belgique et inversement. Quant au tourisme, certes, c'est très agréable de ne pas avoir à changer quelques billets quand on passe une frontière, mais enfin ça n'était pas rendais assez souvent en Italie, ça n'était pas gênant de changer des livres, et j'imagine pour Jeanne les florins ne lui posaient pas spécialement un problème insurmontable. Je dirais que pour le tourisme on peut penser au contraire que l'immigration fait baisser le tourisme en France. Il me semble que Laurent Fabius s'en est même inquiété. Pas seulement d'ailleurs en France. En Italie, les Italiens se plaignent beaucoup de la chute du tourisme depuis que les gens ont vu Lampedusa et ont l'impression justifiée que les immigrés ont essaimé dans toute la péninsule. D'accord. Charlotte, vous n'avez pas d'opinion sur cette question. Vous êtes axée sur la Syrie en ce moment. Oui, c'est ce que j'allais dire. La Syrie, c'est plus très touristique, mais j'y étais longtemps pour du tourisme. Il y a des frontières dans ce pays, ça ne m'a jamais empêché d'y aller. Ça n'a jamais empêché la Syrie d'être un pays très touristique. Donc, je sais pas, je trouve ça un peu absurde, en fait, comme justification. Et alors, en Syrie, c'est plus très touristique. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien non, il y a quand même une bonne nouvelle ce soir, c'est que Alep vient d'être libérée. Ça fait 3 ans qu'elle était encerclée. Elle vient d'être libérée, en tout cas pour toute la partie sud. Des islamistes qui avaient encerclé la ville en juillet 2012, maintenant. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui reste de la... Parce que moi, la dernière fois que j'y suis passé, c'est en 86, alors ça a dû changer. Il reste les souks qui étaient magnifiques et sont complètement détruits. Et il reste la citadelle qui a quelques impacts d'obus, mais bon, ce n'est non, mais en dehors de la question touristique, il y avait de fortes minorités chrétiennes à Alep. Ah, alors... il en reste... ils étaient 150 000 au début de la guerre, il doit en rester 30 000. Ah oui. Et est-ce que cette énorme cathédrale arménienne a été touchée? Non, la cathédrale arménienne, non, c'est la cathédrale latine. Parce qu'elle est tellement spectaculaire que ça semble un objectif. Les latines ont été très abîmées par des tirs d'obus à Pâques l'année dernière. La cathédrale arménienne... Parlez bien dans le micro. La cathédrale arménienne, non, elle est toujours debout. Mais non, il y a des dégâts considérables à Alep, mais la catastrophe était surtout humaine. Donc c'est une bonne nouvelle, parce que la ville était totalement coupée du pays, en fait. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que les gens reviennent? Ah, il y a une énorme chance, parce que l'immense majorité sont des déplacés, donc sont à l'intérieur du pays, n'attendent qu'une chose, c'est de rentrer. Et il y a surtout des millions de Syriens qui sont au Liban et en Jordanie. Et on a vu déjà, quand les villages sont libérés, les gens rentrent. Donc ils ne vont pas ici, il n'y a pas beaucoup de réfugiés syriens. Il y a des Syriens ici, mais je rentre, j'étais en retard parce que je rentre tout juste de Calais. Je viens de passer 4 jours à Calais. Et il y a des Syriens, il y en a, mais ce n'est pas la majorité déjà des gens qui sont, en tout cas, dans ces camps-là. Et les évident qu'il y a une grosse partie aussi des gens qui ont des papiers syriens qui sont très faciles à obtenir pour rentrer. Il y a des Syriens qui fuient parce qu'ils sont dans des zones qui sont totalement sous contrôle de l'État islamique, ça c'est vrai, et qu'il n'est pas possible pour eux d'aller ailleurs parce que c'est aussi beaucoup de gens de l'opposition syrienne. Donc aller dans les endroits contrôlés par l'armée syrienne, c'est compliqué pour eux. Donc ils fuient. Et puis après, il y a un désir aussi de la Turquie, clairement, de pousser des gens vers les rivages européens, donc de faciliter les choses. D'accord. Alors, puisque vous venez de Calais, on va tout de suite passer à Calais. Ce sera une occasion de vous écouter. Comment c'est Calais en ce moment ? Comment c'est ? En fait, il y a de multiples composantes sur la ville de Calais. Ne parlez pas comme un homme politique. Qu'est-ce qu'on voit à Calais ? Mais justement, c'est assez compliqué. Il n'y a pas une vision d'ensemble parce que quand on arrive dans la ville de Calais, on voit beaucoup de gens. Enfin, les clandestins sortent du camp, se baladent dans la ville, etc. On le voit. Ensuite, quand on parle aux Calaisiens à l'intérieur de la ville, ils nous disent qu'effectivement, ils les voient toute la journée, etc. Mais en fait, les gens sont assez. Alors, est-ce que c'est une culpabilisation depuis des années ? Est-ce que c'est une autocensure ? Je ne sais pas. Mais la plupart nous disent qu'on n'a pas de problème direct. En revanche, il y a une inquiétude immense chez les riverains qui sont à côté du camp, qui eux vivent l'enfer, très clairement, parce que c'est des affrontements entre ces clandestins et les CRS en permanence, les CRS qui ont un blocage politique, ils ne peuvent plus intervenir. Certains nous disaient, en fait, on fait le travail qu'on a reproché à Orban de faire en Hongrie, mais nous, on le fait pour le compte de la Grande-Bretagne. En fait, on protège la frontière anglaise, mais à Calais, donc on les empêche de partir. Donc on les garde chez nous et les camps, c'est des centimètres et centimètres de boue. Donc en plus, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tous les Antifa et les associations de gauche qui sont dans ces camps et qui continuent à tenir un discours « Venez tous, et c'est fantastique », non seulement c'est sur le plan purement humanitaire, c'est absolument absurde parce qu'on n'a rien à leur offrir et qu'ils vivent dans des conditions déplorables. Et ensuite, c'était assez amusant, puisque dans le camp de Calais, donc ils tiennent un discours très... le multiculturalisme, c'est l'avenir, c'est génial. Et la solution, c'est de supprimer définitivement toute frontière dans le monde entier. Et ensuite, quand on leur explique concrètement comment ça se passe dans le camp, la première chose qu'ils expliquent, c'est que tous ces migrants sont répartis par ethnie, parce que sinon, c'est la guerre. Oui. Donc, dans une même phrase, ils sont capables de dire ces deux choses-là, c'est-à-dire toute l'absurdité de leurs propos en général. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs composantes, en fait, même dans la ville elle-même, c'est que... C'est une ville qui vit au... Enfin, il y a des gyrophares tous les 3 mètres. Il y a des CRS partout dans la ville. Et puis, il y a ces clandestins qui se promènent partout et qui errent, en fait, et qui n'attendent qu'une chose, tous, c'est de partir en Grande-Bretagne. Pourquoi ? On ne sait pas très bien. Il y en a qui ont de la famille, il y en a qui pensent que la Grande-Bretagne a énormément de travail à leur offrir. Et voilà. Après, ce qui, moi, m'a étonné, pas tellement, mais en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart ne fuyaient pas la guerre. Quand on leur demande pourquoi ils sont partis, il y a 1000 histoires, mais c'est surtout, ils tentaient... Alors, c'est ça qu'il faut répéter très fort. La plupart ne fuyaient pas la guerre. La plupart de ceux à qui j'ai parlé, attention, je n'ai pas parlé aux 10 000 non plus. Vous n'êtes pas maladroite au point de ne parler qu'à ceux qui... Bien sûr, mais la plupart, effectivement, ne fuient pas, en tout cas directement la guerre. Ils fuient peut-être des pays qui sont en guerre, mais eux ne fuyaient pas directement la guerre. Pour me rendre régulièrement en Syrie, quand on me dit que tous les Syriens fuient la guerre aujourd'hui, dans ces cas-là, il y aurait 23 millions de Syriens dehors. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a des zones entières qui ne sont pas invivables. Et la plupart, non, des histoires, ils venaient chercher du travail. En fait, ils essayaient de rejoindre un Eldorado qu'ils imaginaient, et il y en a énormément, surtout, qui sont très déçus. Plusieurs fois, j'ai entendu, mais si j'avais su que l'Europe était dans cet état-là, jamais je serais venue, en fait. Donc, si on pouvait essayer de leur dire, avec les moyens qu'on met ici, si on pouvait essayer de leur dire là-bas, ça éviterait des voyages dangereux pour eux et pour nous, pour notre avenir. Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, Charlotte, c'est intéressant, parce qu'en effet, ces migrants de Calais ne veulent absolument pas être accueillis en France, et peut-être faut-il remercier François Hollande d'avoir mis le pays dans l'état où il est pour ça, parce que franchement, je pense que si l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni sont des destinations tellement prisées, ça permet à la France d'y échapper un peu. France n'est pas une chance pour les migrants ? Et non, parce qu'il y a beaucoup de chômage, ils sont reçus dans des camps comme à Calais. Enfin bref, quand on leur propose d'être relogés dans un village lointain, eh bien, ils préfèrent encore rester dans la boue pour espérer. La Creuse, c'est pas chouette. Partir pour le Royaume-Uni, puisque beaucoup parlent anglais plutôt que français, d'ailleurs. Je crois que c'est une des grandes raisons. Mais pour rebondir, en Belgique, j'ai lu ça dans la presse belge. On a envoyé un charter d'Irakiens retour au pays. Mais alors, c'était des départs volontaires. Interrogés, ces Irakiens ont dit « Bah oui, en effet, nous avons été extrêmement déçus. Les trafiquants nous ont promis l'Eldorado, comme vous disiez, Charlotte. L'Eldorado n'est pas au rendez-vous. Ils ne fuyaient manifestement pas la guerre parce qu'ils avaient des gens au pays. Maintenant, ils fuient la Belgique. Bah, surtout Molenbeek, en plus. Ils sont repartis avec un petit pécule, donc ils sont contents. Ils vont recevoir sur place une aide à l'insertion, une aide pour trouver du travail. À Bagdad. Oui, c'est bien. Bien sûr. Mais donc, le mieux, c'est donc de venir en Belgique et d'attendre un bon retour. Voilà. Mais je crois que les Belges s'inquiètent beaucoup parce que beaucoup de migrants de Calais se délocalisent à Zeebrugge actuellement. Il y en a énormément dans la région. Il y a des navettes entre Calais et Dunkerque et la Belgique, parce que ça n'est pas assez sur. Enfin, c'est beaucoup moins surveillé à partir de Zeebrugge. C'est pas bon pour l'orgueil français. Jérôme, vous voulez dire quelque chose ? D'abord, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté des gouvernements d'installer le chaos, l'anarchie, puisque rien n'est fait pour résoudre ce problème-là. Et même des fondations comme celle de George Soros ou d'autres favorisent ces migrants, sans compter évidemment l'extrême gauche, qui effectivement fait de l'agitation dans ce sens. Mais ce qui est évident que la volonté des gouvernements est de favoriser cette submersion migratoire, c'est que lorsque les pouvoirs publics veulent, dans certains domaines, être efficaces, ils peuvent l'être. Par exemple, en matière de répression routière. C'est évident que maintenant, on le voit bien quand on prend l'autoroute, les gens respectent à plus de 90% les limitations à 130, à 110, à 90, ce qui fait qu'on se traîne d'ailleurs littéralement sur les routes de France aujourd'hui. Et c'est efficace parce que, évidemment, non seulement il y a des radars partout, la maréchaussée, la police, donc ils sont très efficaces là-dessus. À un point tel d'ailleurs que je crois que ces dernières années, il y a eu près de 100 000 personnes qui ont perdu leur permis chaque année par le décompte des points. Surtout les gens qui sont amenés par leur activité professionnelle à se déplacer beaucoup. Donc le gouvernement sait être efficace dans ce domaine-là. Ou il sait être efficace dans la répression contre ce qu'il appelle le racisme, puisque toute une série de mesures sont prises contre les délinquants de la pensée en quelque sorte. Et même, il arrive même à être efficace à l'étranger, puisqu'on a vu avec les mésaventures de l'humoriste Dieudonné jusqu'en Chine et en Thaïlande, ce qui est hallucinant, ce qui d'ailleurs, soit dit en passant, devrait faire réfléchir les gens qui pensent que la Chine, finalement, est beaucoup plus indépendante, qu'elle est capable de résister à un certain lobby. Finalement, les mésaventures de Dieudonné devraient faire réfléchir là-dessus. De toute façon, comme communisme et judaïsme ont toujours été, en quelque sorte, toujours eu des rapports assez privilégiés. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, s'agissant donc du gouvernement, quand ils veulent être efficaces, ils peuvent l'être. Ce qui prouve bien qu'il y a une volonté de submersion migratoire que le grand Pierre-Antoine Cousteau avait annoncé dans Rivarol dès 1958, être ou ne plus être, où il s'inquiétait de la submersion de l'Europe et de la France par une immigration du tiers-monde. Hélas, il a eu raison. D'accord. Alors, je crois je rappelle qu'on est, nous sommes sur Radio Courtoisie, que c'est le libre journal de la liberté surveillée, c'est le club de la presse avec Jeanne Smith, Jérôme Bourbon, Camille Gallic et Charlotte Dornelas, et on va changer de sujet un petit peu, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter, non. On va parler de la déchéance de la nationalité. Est-ce que c'est quelque chose de sérieux, Jeanne Smith ? Il me semble que lorsqu'on est... prêt à se faire sauter pour faire avancer sa religion, on se moque pas mal d'avoir la nationalité ou non. Je pense que c'est un non-débat pour moi, en deux mots. C'est un non-débat, mais c'est un non-débat qui a permis quand même à Christiane Taubira de trouver un moyen élégant pour partir. Certes, et c'est certes. Un non-débat qui permet aussi à Manuel Valls de se poser finalement en défenseur de la loi et de la France. Exactement, mais je pense que ça ne sert strictement à rien. De toute manière, les décrets, les textes existent. Le Code civil réglemente par deux articles le problème de la déchéance de nationalité et de la déchéance de nationalité des binationaux. Donc c'est un faux problème. Mais enfin, chez nous, ça a pris... on aime beaucoup ce genre de psychodrame où tout le monde, ça permet à tous les hommes politiques et femmes politiques, bien entendu, qui sont pires, de prendre les postures les plus avantageuses. Mais enfin, moi, il y a une chose qui me surprend beaucoup quand même, c'est l'absolu silence de la presse, des médias français, sur le débat qui a eu lieu aujourd'hui au Parlement d'Alger, qui est pour la... un nouveau texte qui s'appuie... qui se concerne justement la nationalité, et dont l'article 51, je crois que c'est 51 ou 61, peu importe, stipule très exactement que quiconque veut exercer des fonctions, de hautes fonctions administratives ou des fonctions politiques, doit avoir exclusivement la nationalité algérienne à l'exclusion de tout autre. Bon. Voilà qui est net. Bah, ça me paraît C'est la préférence nationale algérienne. Tout à fait, mais je ne critique absolument pas l'Algérie, loin de là. Je critique le silence total des médias. Si je peux ajouter un mot, le vrai problème, c'est, comme vous le dites, la binationalité. Et étant néerlandaise, j'ai donc un petit avis là-dessus, les Pays-Bas ne toléraient aucune binationalité jadis, et c'était même à ce point que un sujet néerlandais qui quittait le pays pour aller s'installer ailleurs, y compris un diplomate, ou un enfant diplomate, au-delà de 10 ans, de non-signification, de volonté de rester néerlandais, devenait apatride. Perdait son passeport, mais aussi sa nationalité. Donc on fabriquait des apatrides à l'appel. Et personne n'acceptait qu'on puisse avoir deux nationalités. Donc c'était une situation extrêmement compliquée qui d'ailleurs n'émouvait pas les cours internationales. En revanche, lorsqu'il y a eu une forte immigration marocaine et turque, tous ces Marocains et ces Turcs n'ont pas voulu perdre leur nationalité d'origine, et les Pays-Bas ont instauré, à leur intention exclusive, une possibilité de binationalité. Ce qui a créé une discrimination aux yeux de la loi. Et par la suite, on a accepté que d'autres personnes puissent avoir la double nationalité avec un autre pays européen ou un autre pays du monde. Mais cette évolution montre que finalement, tout ça, c'est une question de loi. On fait ses choix et on fait raisonnablement ses choix quand on demande qu'il n'y ait pas de binationalité ou à tout le moins d'abus de binationalité. Ça me paraît clair. Il y a un autre aspect qui n'est pas mis en valeur, c'est que finalement, le texte qui va être produit par les socialistes et maintenant accepté par toutes les chapelles va plutôt restreindre la faculté de l'État français de légiférer, puisque la Constitution donne des conditions limitatives à d'éventuelles législations. Donc, sous couleur de, encore une fois, de prendre des pauses de, tout à fait, je dirais, sérieuses et défendant la nationalité. Au contraire, on défend les autres. Et c'est le système qui est d'ailleurs tout le temps mis en œuvre par Hollande, mais ça marche. Ça marche très bien, parce qu'il a occupé le terrain pendant plusieurs... Et il a permis à Taubira de faire sa manœuvre. Oui, Camille. C'est surtout que cette gesticulation et ces postures autour de la déchéance de nationalité des binationaux empêchent de poser la question essentielle, qui est le droit du sang et le droit du sol. De refaire, s'il y a un débat qui s'impose, c'est justement celui-ci. Faut-il renoncer au ius soli, voilà, et revenir au droit du sang ? Que l'affaire Malek Houssekine avait déjà empêché il y a 30 ans. Voilà. C'était l'objectif. Voilà. C'était au programme du gouvernement Chirac qui avait repris sur ce plan le programme du Club de l'Horloge et du Front National, à juste titre, là, oui, sur le droit du sang. En 1986, ça fait exactement 30 ans. Vous savez, ça fait 30 ans qu'on a perdu 30 ans dans cette affaire. Et Chirac, dont on sait ce qu'il faut en penser, bien qu'il soit gâteux aujourd'hui, mais il a été probablement le président le plus nocif de la 5e République, probablement le vrai plus à tout point de vue. Et bien, il a renoncé. Il est vrai qu'il n'était pas encore président en ce moment-là, il était Premier ministre. Mais à chaque fois qu'il a été au pouvoir, ça a été vraiment probablement les réformes les plus désastreuses qui ont été faites ou qui n'ont pas été faites. Et en l'occurrence, dans cette affaire, vous savez que la gauche avait utilisé la mort plus ou moins accidentelle de Malek Houssekine lors des manifestations contre une réforme de l'université, de Vaquet, voilà. Et bien, et ça avait complètement tétanisé le gouvernement Chirac qui avait donc renoncé à ce droit du sol. Il y avait une commission Marcelon qui la montagne avait accouché d'une souris. Et c'est pas tout à fait d'une souris, de texte très mauvais, la commission Marcelon. Oui, très mauvais par rapport Marcelon à ce qui était prévu. Marcelon a toujours été très mauvais. Mais oui. Aussi bien en ce qui concerne l'ORTF que Oui, c'est un garçon tout à fait nocif. Mais tout est. Oui. Alors, l'usage est de lire quelques réactions. Pourquoi les immigrés de Calais, ou d'ailleurs, veulent-ils absolument aller en Angleterre avec toutes les violences et agressions de leur part? Qu'y a-t-il donc de si bon et de si bien, mieux que chez nous, puisqu'ils veulent y aller? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a une idée. 5% de chômage, déjà. Parce qu'ils supposent qu'ils veulent travailler. Beaucoup plus de liberté. Pourtant, 95% des personnes qui viennent en France ne travaillent pas. Par conséquent, c'est un peu étonnant. C'est tout ce dont ils parlent, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de chômage en Angleterre, effectivement, qui peuvent y trouver du travail. Au ils noir. Ils ont beaucoup de familles. En Angleterre, ils parlent tous effectivement anglais et ils parlent plutôt bien anglais même. Et il y a une troisième chose, c'est qu'il y a beaucoup le camp de Grande-Synthe, par exemple, dont on a parlé la semaine dernière, et c'est quasiment exclusivement des Kurdes. Et il y a une longue histoire avec la Grande-Bretagne et ils sont absolument persuadés que la Grande-Bretagne est un allié des Kurdes depuis toujours. Et encore récemment, puisque Tony Blair avait participé à la lutte contre Saddam Hussein, donc pour les Kurdes, c'était le sauveur britannique. Et donc même historiquement, ils ont beaucoup plus d'affinité en fait avec la Grande-Bretagne qu'avec la France. Et en plus, en arrivant en France, en étant à Calais et avec ce que les associations d'extrême gauche peuvent leur dire sur l'état de la France et l'accueil qui leur est réservé, il est évident qu'ils veulent en tout cas pas rester ici et sûrement partir en Angleterre. Ouais. Alors, notre chance de survie de notre culture, oui, enfin, c'est une façon de parler, au travers d'un mouvement pan-européen en s'appuyant sur des Européens de souche. Oui, c'est très utopique, hein, pan-européen. Très utopique, quoi. Quand on voit comment... le mouvement, enfin les manifestations que voulait organiser Pegida à l'échelle européenne sont interdites. Oui. Je vois mal comment un mouvement pan-européen que je souhaiterais très très vivement et très sincèrement ne serait pas complètement paralysé par les différents gouvernements. Bonsoir, c'est ces messieurs, mesdames, vous êtes heureusement hors du coup, de qualifier le FN d'extrême droite. Vous reprenez les mots du système cosmomondialiste. Oui, mais enfin, on ne le fait pas tellement, personnellement. Donc, il n'en a pas été question. Je crois que c'est la première partie de l'émission. Non, mais pas trop, justement. On n'a pas parlé d'extrême droite. Moi, je me qualifie d'extrême droite, mais pas le Front National, franchement. Le Pen disait d'extrême droiture. Oui, je crois qu'il ne faut pas se... Alors, 1997, alors c'est quelqu'un de très précis. Gilles Bernstein a parlé de l'immigration en Israël et dans tous les autres pays. Au-delà de 6% d'immigrés, on perd son identité. C'est possible qu'il ait dit ça. Là, on est effectivement largement au-dessus du taux, mais on n'a pas perdu notre identité. Serge de Begetch a été condamné pour islamophobie. Les policiers étaient déjà à l'œuvre. Ben oui, les policiers étaient déjà à l'œuvre. Ils le sont encore. Monsieur, pourquoi n'avez-vous pas quelqu'un de minute ? Expliquez-nous ce mystère. Ben merci. Ben, tout le monde est invité, tout le monde ne vient pas. Qu'est-ce que je vous dis ? Par exemple, j'ai invité Marion Le Pen aussi, mais elle ne vient pas parce qu'elle a autre chose à faire. Croyez, c'est bizarre, mais il faut expliquer comment se fait la radio. On invite des gens, on va au carrefour et puis... comme le roi de l'écriture, on dit « venez tous », et finalement, il n'y a que les lépreux, les paralytiques qui viennent. Alors voilà. Merci beaucoup, Martin. Bon, allez, c'était pour rire, Jeanne, oh là je là. Je ris d'ailleurs. Alors, ah oui, j'aimerais qu'on parle un peu, parce que ça, c'est une petite contradiction, un petit paradoxe, c'est toujours amusant, la GPA. Il semble que la gauche, mais ce n'est pas nouveau, parce que vous me direz que l'épouse de Lionel Jospin a toujours été très bien là-dessus, Sophie Agacinski. Sylvie Agacinski. Sylvie, oh, je me trompe toujours. Vous savez, Sylvie, Sophie, ça commence par S. Donc, la GPA, il y a des gens de gauche qui se mobilisent pour lutter contre. Alors, qu'est-ce qu'il veut m'en parler ? Peut-être Jeanne. Je veux bien vous en parler, Martin. Non seulement cela, mais il se trouve qu'il y avait hier après-midi à l'Assemblée nationale un colloque contre la GPA pour une convention internationale d'interdiction totale de la GPA qui était organisée par la gauche et les féministes. Alors c'est par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, dont hélas le nom m'échappe, quelqu'un va me le rappeler. Et puis, Le vice-président féminin de l'Assemblée nationale. Mais il y avait donc Maya Surdut, qui est de cette association pour la diffusion de l'avortement et de la contraception. Mm-hmm. Il y avait le collectif des lesbiennes. Enfin, c'était assez hétéroclite. Mais alors, ce qu'il y a de très amusant, c'est que tout ce petit monde découvre finalement qu'il y a une morale, qu'il y a une éthique, et que même si les choses sont possibles, on ne peut pas et on ne doit pas les faire. Et donc, alors... Je retrouve le nom. Cette dame s'appelle... Non, elle ne s'appelle pas Sandrine Mastier. C'était de la triche, elle n'avait pas du tout retrouvé le nom. Alors, excusez-moi, on essayait de retrouver le nom de cette dame, Laurence quelque chose, me semble-t-il. En tout cas, ces femmes, donc, et quelques hommes, dont le professeur Friedman, sont venus expliquer que la GPA est une exploitation de la femme, une exploitation des femmes les plus pauvres. C'est vrai aussi, d'ailleurs. Et ce qui est tout à fait vrai, puisque l'essentiel de ce qu'on appelle les gestations pour autrui, non contre lesquelles elles s'élèvent, parce qu'évidemment, c'est une manière de cacher la réalité. Elles détestent aussi le fait d'appeler ça des mères porteuses, parce qu'elles sont réellement mères, disent-elles. Vous ne vous rendez pas compte. L'enfant qu'elles portent, il y a des milliards d'échanges tout au long de la grossesse. Enfin, elle découvre la maternité, c'est assez amusant, et elle découvre que du fait que l'on puisse obtenir une GPA, ou autrement dit, une location d'utérus, et acheter un enfant à l'étranger, eh bien, il ne suffit pas de l'interdire en France, il faut absolument une convention internationale pour l'interdire partout. Et ajoute-t-elle, moi je vous donne un petit peu des bribes de ce que j'ai entendu, il ne faut pas simplement interdire la gestation pour autrui commerciale, donc à but lucratif, mais également celle qui est dite altruiste, parce que c'est une abomination, parce que les femmes qui ont, par gentillesse, par altruisme, porté l'enfant d'une autre, eh bien, quand elles l'ont donné, elles se sentent euphoriques. C'est magnifique d'avoir fait ça. Mais 6 mois après, elles pensent à leur enfant. Donc, toutes ces femmes ont découvert l'instinct maternel, la nécessité d'interdire des choses absolument, même si elles se font ailleurs, même si elles sont possibles. Elles ont même découvert que le diagnostic prénatal est eugéniste. Et finalement, Je dirais que j'aurais signé des deux mains 95% de ce que j'ai entendu. C'est absolument fantastique de voir comment la raison peut venir aux femmes et aux hommes. Comment l'esprit vient aux féministes. Comment l'esprit vient aux féministes. Retour à la réalité. C'est exactement le retour à la réalité. Et on aurait transposé toute cette argumentation à l'avortement. Ça aurait très très bien fonctionné. C'était vraiment rigolo. Mais c'est tout à fait... C'est un paradoxe qui se généralise. Parce que c'est également la même chose en matière d'immigration. Quand on a vu aux Pays-Bas, justement, il y a maintenant une vingtaine d'années, gens comme Pim Fortuyn et d'autres commençaient à connaître, à comprendre la nature de l'islam et de l'islam conquérant à travers leur propre prisme d'interprétation. C'est l'expérience et la réalité. Théo Van Gogh qui a été assassiné. Bien sûr, bien sûr. Alors, Je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est la seule chose peut-être intéressante dans notre époque, qui est sinistre à tant d'égards, c'est que les choses vont très vite. Vite et pas si vite que ça, parce que pour certains problèmes, il a fallu 30 ans pour faire tomber le franc. Quand même, ça va plus vite. Plus vite. Oui. Il y a une accélération, et une accélération qui est évidemment facilitée par la mondialisation de l'information. Et donc, les gens... s'aperçoivent assez rapidement des errements et de... Des errements, justement, oui. De la morale qu'on a prétendu leur imposer et qui ne correspond pas du tout à la réalité des choses. Ce n'est pas la morale, c'est l'éthique. Martin. L'éthique, oui, excusez-moi, mais très mauvais en vocabulaire. Sauf qu'à l'Assemblée nationale, on a parlé de morale, c'est ça qui m'a amusé. C'est justement... voilà. Oh là là. Oui, tout est possible. Alors je vais vous dire, moi, parce que je sais comment... Laurence Dumont, ça ne serait pas... Voilà, exactement. Ouais, Laurence, voilà. Je m'en souviens. Il y en a qui s'informent. Et je me rappelais du bonnet, mais je me suis dit, non, ça c'est un affaire. Dumont, du bonnet. Alors, merci à cet auditeur. En tout cas. Voilà. Alors, Madame Gallic, Monsieur de Lesquin nous dit que le droit du sol n'existe pas. Informez-vous auprès de lui. Et une autre, je salue Madame Camille Gallic. Merci pour vos émissions. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de droit du sol qui n'existerait pas ? Que quelqu'un des Lumières. Non, je crois que selon les pays, il existe largement. Au Royaume-Uni notamment, il existe depuis très longtemps. Et en France, il existe marginalement, il existe un peu. Et en France, il existait au Moyen-Âge, quelqu'un qui naissait en France au Moyen-Âge de parents étrangers. Ça a beaucoup varié, au cours des siècles. Oui, mais depuis la fin du 19e siècle, ça existe un peu, voilà, c'est pas déterminant. Le droit le plus important en France, c'est le droit du sang. Mais il y a à la marge le droit du sol. Enfin, si je suis bien informé, mais si on dit le contraire, il a raison aussi, certainement. Je ne suis pas du tout embêtant pour ça. Bon, on continue. Merci, Charlotte. Oui, j'aurais voulu vous faire parler, alors tous les quatre, sur Madame Taubira, parce que c'est une de mes chouchoutes. Vraiment, justement, parce que sur toutes ces questions à la fois d'échange de nationalité, éthique, puisqu'elle a quand même fait passer le mariage entre guillemets, pour tous, entre guillemets. Allez, on prend par la gauche. À vous, Charlotte. Que pensez-vous de son départ ? Moi, j'ai lu la presse et j'ai regardé la télévision. C'était vraiment une femme extraordinaire qui aurait pu être membre de l'Institut tellement elle sait tout, elle parle de tout. Et en même temps, c'est une championne de l'éthique. C'est comme ça que vous avez vu les choses ? C'est comme ça qu'elle a été effectivement encensée médiatiquement pendant tout son mandat et à son départ plus encore. En revanche, c'est pas comme ça que son départ a été vu par les Français, si l'on en croit les sondages, ou en tout cas les tendances de tous les sondages qui donnent une large majorité des Français qui étaient contents de son départ. Je pense que c'est plus pour la question de ces réformes pénales que pour la question du mariage pour tous que les Français étaient heureux de la voir partir. Mais il se trouve que ce que je pense de son départ, pas grand-chose, parce que si Madame Taubira a démissionné, son idéologie, elle... n'a pas démissionné. Elle est portée par de nombreuses personnes au sein du gouvernement ou ailleurs d'ailleurs. Et je pense qu'elle part avec... c'est d'ailleurs ce qu'elle a tweeté, puisque c'est son mode de communication favori, le jour de son départ. Elle est partie fière et à juste titre. Elle a détruit énormément de choses. Elle a accompli beaucoup de choses qu'elle voulait faire et elle est partie avec le sentiment du devoir accompli. ce qui était parfaitement légitime, puisque de fait, elle a accompli son devoir et qu'elle a été une des seules à le faire. Donc, c'est pour ça, je pense qu'elle a été encensée médiatiquement, c'est devenu une icône. Alors après, moi, ce qui me gêne plus, c'est que c'est devenu une icône pour la gauche, notamment pour le coup à cause de la loi sur le mariage pour tous. Et en fait, c'est devenu une icône de détestation pour la droite, qui, moi, je trouve pas tellement pertinente, dans la mesure où effectivement elle a méprisé ses opposants politiques. Mais ce que je veux dire, c'est que aller fêter le départ de Madame Taubira, vu les gens qui prennent le relais, je vois bien l'idée. Non, mais on peut très bien la haïr cordialement, tout en ne sachant qui est Turvoa. D'ailleurs, qui est Turvoa, si vous voulez en parler. C'est le rédacteur de la loi renseignement, donc moi ça me rassure. Oui, ça n'est pas rassurant. Mais c'est surtout que, enfin, moi, la détestation pour Madame Taubira, effectivement, c'est pas une personne qui est sympathique. Elle a passé son temps à nous mépriser et à se victimiser, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'a pas attendue pour voir les horreurs qu'elle a portées. Le mariage pour tous, je pense pas qu'il soit né dans sa tête non plus. Il n'a pas été porté que par elle. Donc, je pense qu'on en a fait une icône, même nous, opposants, on en a fait une icône et que je pense qu'on surestime les bienfaits de son départ, à mon avis, ça ne change pas. Ah non, il y a deux choses, effectivement. On va en parler, des bienfaits ou des prétendus bienfaits. Mais c'est quand même disons, quelqu'un d'absolument horrible. Et si quelqu'un. Il faudrait que ça intéresse peut-être quelqu'un de parler un peu de sa biographie, tout de même. Pour moi, c'est d'abord une raciste noire. Une raciste noire, c'est une des premières. Elle est mue, enfin, elle est mue par le racisme jusqu'à. Quand elle a récité à l'Assemblée nationale, enfin, ce poème grotesque, c'est qui doit être d'Aimé Césaire. Non, mais il y a des quantités de poètes. je ne me prononcerai pas. Mais quand elle dit « nous les maigres, nous les nègres », et qu'on voit Madame Taubira, c'est quand même assez ridicule. Mais elle a toujours été, je pense que son moteur depuis sa plus grande jeunesse, et puisque c'est son militantisme d'ailleurs dans les partis indépendantiste guyanais et des partis violents. Violents, oui. Elle ne se contentait pas de son mari était notamment le chef d'un parti violent. Elle l'a suivi dans la clandestinité. Et elle a toujours pour elle, la France a toujours été l'ennemi à abattre. Donc je comprends parfaitement que non seulement les gens se réjouissent de son départ, mais qu'en plus, je crois que c'est le point qui a fait un sondage auprès de ses internautes, non, le Parisien, que 83% souhaitent qu'elle ne revienne jamais en politique. Oui, je crois qu'il faut le dire, même si on y est d'accord. Non, mais je suis d'accord, mais c'est précisément parce que c'était tellement sa détestation de la France, de ce qu'est la France au plus profond, était tellement évidente que les gens la détestent. Et c'est en ça que moi, c'était pas forcément la plus gênante pour moi, parce qu'elle avait l'avantage de le dire au moins. C'était tellement évident qu'au moins c'était plus facile à combattre. La seule bonne nouvelle, c'est que étant remplacée par un Breton d'une soixantaine d'années, on pourra enfin critiquer la politique du ministre de la Justice sans être traité de raciste. Déjà, je pense que l'affaire Taubira, elle montre de manière très claire que la gauche, elle, applique son programme quand elle arrive au pouvoir. C'est toute la différence avec la droite ou la pseudo-droite, puisqu'aussi bien, il faut rappeler que François Hollande, dans les propositions qu'il avait faites lors de sa campagne présidentielle en 2012, il y avait le mariage pour tous, le mariage homosexuel à son programme, et qui a été fait dans l'année, comme il l'avait annoncé très exactement, qui a suivi son accession à l'Élysée. Et je me rappelle que Lionel Jospin lui-même, en 97, entre 97 et 2002, il a appliqué l'essentiel du programme pour lequel il avait été élu, les emplois jeunes, les 35 heures, le PACS, la CMU. Par conséquent, la gauche applique son programme. La gauche, la droite, elle, c'est différent. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose qui est important à souligner. Le second point, c'est que, évidemment, ce n'est pas simplement un phénomène français, puisqu'on voit dans la plupart des pays d'Europe et d'Occident, ce qui est quand même un tabou immémorial, que condamnent toutes les grandes religions, que condamnent la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament, que le catéchisme de Saint-Pilice considère comme un crime qui crie vengeance devant Dieu, je cite. Bon, eh bien, c'est quelque chose quand même d'assez inouï. Il faut voir que dans tous les pays apostats, il faut bien le dire, d'Europe, d'Amérique du Nord, peu à peu se met en place cette réforme qui est vraiment une rupture avec des millénaires de civilisation, un tabou immémorial aussi fondamental que l'inceste. Hein. Bon, et par conséquent, ça n'est quand même pas ça n'est quand même pas rien. Et il est regrettable de voir que finalement, même s'il y a eu des manifestations certes imposantes à un moment donné, la loi a été votée, elle est promulguée, et je ne sache pas qu'il y ait eu un seul maire en France sur 36 000 maires qui ait démissionné ou qui refusait d'appliquer cette loi en risquant d'être démis de ses fonctions, voire même la prison, ce qui aurait été un grand honneur. Ce qui, encore une fois, montre que finalement, les convictions ne sont plus très fortes, bien souvent. Il y a beaucoup de bruit pour rien. Remarquez qu'avec Taubira, il serait sorti plus tôt de prison. Oui. pas forcément. Je ne sais pas. Non, cela, pas je ne sais pas. Ouais. Donc ça, je crois que c'est quand même un élément important. Et puis, il est certain que, par ailleurs, donc la gauche, j'ai dit, applique son programme, mais de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Si la pseudo-droite avait été également aux affaires, à peu de choses près, ils auraient fait la même chose. D'ailleurs, on l'a vu avec le revirement, entre guillemets, de Nicolas Sarkozy, dont on sait bien que, dans son fond, c'est un libéral libertaire, mais qui, à un moment donné, par pur électoralisme, avait, comment dirais-je, exprimé davantage de réserves. Enfin, on sentait bien que ça n'était pas ni sincère ni profond, et on voit très bien que il revient comme le chien de l'écriture à ses vomissures, et par conséquent, de ce point de vue-là, c'est là qu'on voit finalement qu'il n'y a plus de droite en France. Au fond, depuis 1945, il n'y a plus de droite en France, quoi, quelques exceptions près, et je suis frappé de voir où on en est aujourd'hui, puisque même le Front National, il faut bien le dire, sur le plan sociétal, comme on dit aujourd'hui, ça n'est quand même pas extraordinaire, c'est moins qu'on puisse dire. On ne peut pas dire qu'ils ont été en pointe de manière extrêmement, comment dirais-je, claire, opposée à cette réforme, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Bon, par conséquent, cela montre, je pense, d'une part, les effets d'une déchristianisation massive, ça c'est le premier point, d'une perte totale des repères moraux et spirituels, qui est tout à fait considérable, et dont on voit chaque jour les effets délétères sur les familles, dans la société, etc., dans la recrudescence aussi, il faut bien le dire, de viols sur mineurs, souvent d'ailleurs le fait de concubins d'un deuxième ou troisième ménage, etc. Bon, on voit les faits divers sont nombreux dans ce sens, et donc on retourne à une barbarie des mœurs et des comportements qui est absolument effrayante, et il est certain que Madame Taubira, mais comme d'autres, puisque encore une fois, il faut quand même, je terminerai là-dessus, il faut quand même dire que le mariage homosexuel, ça n'est pas venu tout seul, le Conseil de l'Europe, l'ONU, toute une série d'organisations mondialistes, internationalistes le portent, et lorsque dans les années 80, des députés verts ou d'extrême gauche faisaient des résolutions dans ce sens, on se moquait en disant que ça n'est que quelques hurluberlus extrémistes sans pouvoir, sans influence, sans lendemain, et on a vu néanmoins que ces réformes détestables, eh bien peu à peu, sont venues dans les législations de la plupart des pays d'Europe et d'Occident, ce qui est assez dramatique. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire pour poser une question à Jeanne, peut-être, parce que c'est... quand on voit Sarkozy, au sens commun, c'est plein à juste titre que sur l'affaire de la loi Taubira, Sarkozy s'est parjuré, c'est comme souvent des jugés. Mais je dirais que de quelqu'un comme Sarkozy, je dirais que c'est normal, c'est naturel. Je trouve ça tout à fait naturel. Voilà. En effet. Et ce qui est plus, moi, ce qui m'embête plus, c'est justement, vous en avez parlé, Jérôme, le Front National, et gens comme Philippot et Marine sont plus très clairs sur la question de l'avortement, qui est pourtant fondamentale. Ils n'ont jamais été en France. J'allais hein, dire, je vais me faire haïr de beaucoup d'auditeurs, mais c'est sans méchanceté aucune que je vais répondre à votre question. En effet, Sarkozy, avant d'être élu, s'était engagé à améliorer la situation des homosexuels, des partenariats. Il s'était rendu dans diverses associations. Il avait une position qui était somme toute très ouverte au lobby LGBT. Le Front National, lui, était historiquement pro-famille et historiquement opposé à l'avortement. Donc on avait d'une part un mouvement politique clientéliste, électoraliste, comme l'UMP, avec Sarkozy à sa tête, avec la possibilité de grandes variations. On a vu ensuite Sarkozy promettre qu'il abolirait le mariage pour tous sous la pression de la rue, finalement. Et puis maintenant, il dit autre chose parce que sans doute pense-t-il que ça ne lui apportera pas de voix s'il se représente. On a vu, en revanche, et je crois pour les mêmes raisons, on a vu le Front National abandonner sa condamnation de l'avortement, sa condamnation de la loi Veil et sa promesse de revenir dessus. On a vu Florian Philippot dire que l'avortement est un droit et que cela est inscrit au programme du Front. Alors, je ne pense pas que ce soit techniquement inscrit au programme du Front, parce qu'on ne le connaît pas. Il n'est pas écrit, mais Florian Philippot l'a dit, et Marine Le Pen elle-même, poussée dans ses retranchements, a dit qu'il était hors de question de toucher au droit à l'avortement. Alors déjà, lorsqu'on qualifie l'avortement de droit, on est en train de dire qu'on peut tuer impunément 200 000 petits êtres humains en France chaque année, et que cela ne pose pas véritablement de problème. Le mariage pour tous est un énorme problème, et je crois que sur le plan de la société, il est peut-être plus grave que l'avortement, en ce sens qu'il est perçu, il est vraiment montré comme un bien, et qu'il sape la définition même du mariage et de la famille. Mais l'avortement, c'est un génocide de masse, c'est un massacre d'innocents, et en arriver à dire, pour des raisons électoralistes, que l'on est pour la conservation de ce droit, me paraît extrêmement regrettable, pour dire le moins. De ce droit, entre guillemets, parce que c'est la question. La question est en effet, c'est une notion de droit maintenant. Oui. D'abord, sur le plan moral, qui est le plus important, mais même sur le plan démographique et politique. Quand on prétend défendre la France, la natalité française, sa civilisation, son ethnie, je ne vois pas comment on peut être favorable à l'avortement. C'est un non-sens. Même si, évidemment, la question morale est encore plus importante. C'est une question d'humanité et de même d'un point de vue politique et démographique, c'est hallucinant. Alors je me trompe peut-être, mais j'ai eu l'impression que l'histoire du virus Zika est instrumentalisée dans la façon dont on raconte les choses, justement au profit de l'avortement. C'est moi qui cherche la petite bête ou c'est vrai ça ? Pas du tout, la presse internationale est absolument remplie d'indications à ce sujet. On réclame maintenant pour le Brésil le droit d'avortement pour les microcéphales, et puis parce qu'on établit sans certitude d'ailleurs une relation entre ce virus Zika, et qui est transmis par un moustique, et la recrudescence des microcéphalies au Brésil. Il y en a eu 4000 l'an dernier, ça fait beaucoup, et par conséquent au Brésil et dans tout le continent latino-américain, on réclame la possibilité d'avorter lorsque une microcéphalie est détectée. Il faut savoir qu'elle est détectée à 32 semaines. Donc c'est déjà grossesse avancée. Donc ce sont des avortements tardifs que l'on demande. Il y a en outre, j'ai écrit ça sur mon blog, une association néerlandaise qui s'appelle, alors pardonnez-moi pour l'anglais, je traduirai et je mettrai 3 euros dans le cochon, Women on Waves, donc les femmes sur les vagues. C'est un bateau, un navire qui s'approche des frontières des pays où l'avortement est interdit, en restant dans les eaux internationales, pour fournir à distance ainsi des pilules abortives. Les pilules abortives, normalement, on les emploie pendant les 10 premières semaines de grossesse, ou les 8 premières semaines de gestation. Et donc, sous prétexte de virus Zika, cette association, cette ONG, est en train de dire femmes du Brésil, c'est pas le Brésil, essentiellement elle s'adresse aux Colombes, enfin une dizaine de pays sud-américains, femmes d'Amérique du Sud, écrivez-nous si vous êtes enceinte, envoyez-nous un courriel et nous vous enverrons des pilules abortives. Ce qui veut dire qu'on est en train de proposer aux Américaines du Sud qui sont enceintes de 10 semaines ou moins, qui ne savent pas si elles ont été infectées par le virus Zika, qui ne savent encore moins, bien sûr, si l'enfant qu'elles portent est microcéphale, on leur dit avortez, avortez toutes. Moi, je suis fascinée. D'accord. Alors, je rappelle, oui, parce qu'il faut le rappeler, que nous sommes sur Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée avec le Club La Presse, avec Jeanne Smith, Jérôme Bourbon, Camille Gallic et Charlotte Dornelas. Alors on va changer de sujet, on va faire un peu de politique étrangère. Qu'est-ce que vous pensez, Camille, du caucus, non pardon, de l'Iowa, pour faire plaisir, sinon c'est 5 euros. Hein. Alors Donald Trump, pas, il n'y a pas à être satisfait quand on voit que du côté démocrate, les voix se sont partagées entre la calamiteuse Hillary Clinton et le encore plus calamiteux et le calamiteux Bernie, sénateur trotskiste du New Hampshire, et du côté républicain, donc il y a Cruz, Rubio, oui, et Trump qui n'a pas Cruz arrivant en tête, qui me paraît tout aussi plus habilement, mais tout aussi démagogique que Trump. La seule satisfaction est que les autres candidats, et notamment Jeb Bush, semble avoir été balayé. Oui, alors justement, qu'est-ce qu'il faut penser de Trump ? Parce que moi, je connais pas bien la situation américaine, donc je vous écoute les uns et les autres, parce que dire qu'on a de très loin, on a toujours une sympathie pour la grande gueule qui dit du mal du système. Alors. Quel est votre sentiment ? Je vois que... Il en a beaucoup profité du système. Oui. Donald Trump est un multimilliardaire qui a fait beaucoup de dollars dans l'immobilier, et il a beaucoup profité des possibilités d'expropriation. Je pense qu'il a su graisser des pattes, et d'ailleurs il le dit lui-même, puisqu'il a soutenu alternativement et souvent en même temps les campagnes démocrates et les campagnes républicaines, disant que c'est finalement un bon investissement quand on est homme d'affaires. Alors il dit « je dénonce ce système », mais en attendant, il le dit même en expliquant comment il a subventionné les uns et les autres. C'est effectivement une grande gueule, il parle beaucoup contre l'immigration, mais avec des outrances qui le rendent presque insignifiant. Je vais mettre tous les musulmans dehors, je suis désolée, je n'y crois pas. Je vais tout libérer, peut-être, mais il va libérer surtout ce à quoi il tient, c'est-à-dire le grand capital. Alors, il est très libre, en ce sens qu'il ne dépend de personne. Il a une fortune considérable, ce qui est peut-être intéressant du point de vue de l'indépendance par rapport au pouvoir, mais en attendant, il est sur les questions sociétales très peu clair, très fluctuant. Un coup à droite, un coup à gauche, je n'ai pour ma part aucune confiance. C'est un démagogue. Ça me fait un petit peu penser à la campagne de Jimmy Carter en son temps, le marchand de cacahuètes qui était poussé en avant. Là, il est peut-être anti-système, mais dans quelle mesure ? Est-ce qu'il ne sert pas aussi le système ? Non, parce que... Ben moi, j'avais suivi la campagne de Carter. Mais c'est lointain, c'est vrai. Ben oui, c'est très lointain, mais en fait, il était quand même gouverneur de Géorgie. Alors, il était en effet poussé par les médias. Je pensais plus à la construction du personnage. Après Ford, enfin, on a construit un personnage, mais qui restait, auquel les gens reprochaient quand même d'être extrêmement fallot. Même ses partisans, il était vraiment... On aurait soufflé dessus, ça tombait. Oui, ce qui n'est pas le cas. Oui, de... oui. Et on disait même que ça, c'était sa femme, Rosalynn Carter, qui le manipulait et qui le faisait avancer d'une grande famille du Sud. Enfin, ça, ce qui ne veut plus dire, malheureusement, grand-chose de nos jours. Je pense qu'il y a aussi un côté chez Trump, un côté ludique. Je pense qu'il s'amuse beaucoup avec sa campagne. Oui, c'est... Et alors, à qui ça vous fait penser en France ? Quelqu'un ou pas ? Est-ce qu'il a le côté ludique ? Non, je ne vois pas, parce que ça n'est pas non plus... Il y a le côté affairiste, en effet, Jeanne a tout à fait raison de rappeler que quand il était, puisqu'il exerçait à New York, il a... alternativement aider financièrement et très, très largement aux campagnes des différents maires de New York, dont certains ont été catastrophiques d'ailleurs. Mais c'était ses affaires et il fallait bien qu'il continue sa progression financière. Et j'ai l'impression que maintenant, il s'amuse. On peut peut-être le rapprocher de Berlusconi, encore que Berlusconi avait sans doute plus de... d'abord, c'est un Italien, plus de subtilité, et il croyait peut-être... davantage, ou en tout cas, j'ai très bien réussi dans les affaires, pourquoi je ne réussirais pas en politique, enfin D'ailleurs, ce n'est pas celui qui a le plus mal réussi en Italie, Berlusconi. Non. En tout cas, il avait réussi son accord avec Kadhafi pour maintenir les immigrés en Libye. Par exemple. Bon, ça, il faut en être très reconnaissant à M. Berlusconi. Il y a aussi la question que le prochain président des États-Unis aura sans doute à nommer au moins 2, 3, voire 4 juges à la Cour suprême, puisque plusieurs d'entre eux actuels sont assez âgés et que les choix proposés par Donald Trump sont pour le moins surprenants. Ainsi, il a proposé sa propre sœur. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ça n'est pas une plaisanterie. Ça ne peut pas être tellement pire que ce qui est actuellement, parce que les nominations de Barack Obama ont été catastrophiques. Voilà, mais sa propre sœur se trouve voter très à gauche et agir très à gauche en tant que magistrate. Donc, magistrat, disons. Et je pense que Si Trump est élu, on est sûr de rien. Charlotte et Jérôme, vous en contrefichez. Vous avez raison, il ne faut pas se forcer quand on n'a pas envie de parler. Non, mais je ne connais pas surtout, j'espère dire que des bêtises. Bon, je vous rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie pour le Libre Journal de la Liberté Surveillée avec Jeanne Smith, Jérôme Bourbon, Charlotte Dornelas et Camille Gallic. Et je vais lire quelques réactions de nos amis auditeurs. Madame Smith, je suis d'accord avec vous sur l'avortement, mais vous oubliez une chose. Un référendum en bonne et due forme ne nous donnerait pas raison. Vos reproches au FN sont donc nuls et non avenus. Bien. Je crois en effet qu'on ne gagnera pas un référendum sur l'avortement aujourd'hui en France, hélas. Et je pense que si on faisait un référendum, ça sacraliserait ce faux droit à l'avortement. Ouais, donc ce qu'il faut, c'est faire de la politique pour arriver à changer les mentalités. Il faut commencer par changer, par expliquer de quoi il s'agit. Je pense que les musulmans auront des maires dans peu de temps grâce à nos gouvernements. Qu'en pensez-vous? Alors si quelqu'un veut s'y coller, non? Je pense qu'ils en auront, comme il y a des maires dans de nombreuses villes anglaises, ce qui explique aussi, notamment dans l'Est, enfin dans les endroits sinistrés de l'Angleterre industrielle, où les immigrés, la richesse est partie, les immigrés sont restés. C'est une des raisons qui attire tellement de migrants en Angleterre aussi. La vice-présidente de la Chambre basse aux Pays-Bas est une musulmane depuis peu de temps. Elle vient d'être nommée à ce poste. Mais de toute façon, déjà, il y a beaucoup de maires UMP, PS, qui, pour se faire bien voir de leur communauté mahométane nombreuse, construisent des mosquées, souvent déguisées en centres culturels. Et par conséquent, même sans maire musulman, la progression de l'islam en France s'accroît considérablement. Parce que même d'un point de vue électoral, beaucoup de maires y ont intérêt, même. Oui. Ouais. Donc c'est ça qui est tragique. Mais enfin, Aubervilliers, par exemple, maintenant... Madame le maire est une musulmane, est une immigrée musulmane, communiste. Oh, ça a changé depuis. Communiste. Ça a changé depuis le président, alors. En tout cas, le rouge est passé quand même un peu au vert. Le rouge est vert. Alors, ça, ce sont des questions auxquelles je ne peux pas répondre, mais Madame Smith, quel est le pourcentage de bébés blancs dans les avortements? Qu'est-ce qu'on en sait de ce sujet? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Les statistiques ne sont pas. Ils ne sont pas autorisés de toute façon. De toute manière, oui. L'Angleterre autorise les manipulations sur les embryons. Où en est-on en France? Elle a été fortement élargie par la dernière loi santé. Mais le principe reste l'interdiction. D'accord. Mais maintenant beaucoup d'assouplissement de la loi. La grande différence entre la gauche et la droite, c'est que la gauche au pouvoir applique son programme, tandis que la droite ne le fait pas. C'est exactement ce que Jérôme a dit tout à l'heure. Donc ça me semble vrai. Selon M. de Lesquin, sur Légifrance, article 18 du Code civil de 1803, le droit du sang est le seul droit reconnu pour les Français. Le droit du sol, 1804, n'a jamais été rétabli. Je ne comprends pas, mais je lis. Si justement... En 1804, c'est postérieur, je ne crois pas comprendre. Ça fait partie de la liberté surveillée, parce que non. C'est quelque chose que je ne peux même pas lire. Le pouvoir est verrouillé par la franc-maçonnerie, oui, c'est vrai. Allez, on passe à autre chose. J'aimerais qu'on parle un peu, toujours de bioéthique. Vous êtes beaucoup mise à contribution, j'y peux rien, hein, c'est votre spécialité. J'ai l'impression que ça avance encore sur le front de la fin de vie. Avec la loi Leonetti. La loi sur la fin de vie a bouleversé le paysage français, le paysage européen, car depuis que cette loi a été votée, après un parcours chaotique et finalement une commission paritaire qui a mis tout le monde d'accord, toute personne qui le demande, qui est en toute fin de vie, peut bénéficier d'une sédation profonde et continue, c'est-à-dire être endormi profondément, donc n'avoir aucune conscience et ne plus être réveillé, et en même temps se priver de nourriture et d'hydratation. Et ça, c'est devenu une sorte de droit. C'est ça le fond de la loi Leonetti-Claeys. Donc ça touche... Alors, théoriquement... Vincent Lambert est dans le cas de figure. Alors non, parce que Vincent Lambert n'est absolument pas en fin de vie. Oui. Mais je vais préciser. Une personne qui est véritablement en phase, véritablement terminale, qui souffre atrocement, qui est à l'agonie, qu'on lui donne une sédation extrêmement forte... et qu'on cesse tout naturellement de le nourrir parce qu'il est en fin de vie, c'est tout à fait normal, c'est moral. Un bon médecin le fera parce qu'il est là pour soulager la douleur et qu'il veut soulager la douleur. Maintenant, si la personne est en fin de vie, mais sans que ce soit aussi clair, on dit la fin de vie est proche, les médecins ne savent jamais exactement quand va intervenir la fin de vie, et que l'on propose, et que le patient dit « bon, écoutez, maintenant j'arrête, donnez-moi une sédation profonde et il mourra de faim et de soif, et surtout de soif, par manque d'hydratation. » Là, il y a une intention homicide qui ne veut pas dire son nom et qui est en réalité une euthanasie lente. Donc la loi Leonetti-Claeys est une loi euthanasique. Deuxième point, c'est une loi euthanasique qui s'applique aux personnes qui ne sont pas en fin de vie, parce que celles qui sont atteintes d'une affection, je ne dis pas une maladie, je dis une affection, ça peut dire handicap. La personne qui est atteinte d'un handicap grave et, pardon, d'une affection grave et incurable, peut également demander la cessation des soins. Et si cette cessation de soins doit entraîner pour lui des souffrances, là, il peut exiger du médecin le même protocole, sédation profonde, arrêt, nourriture et hydratation. Donc, c'est une euthanasie lente, évidente. Il demande sa fin de vie. Le médecin est obligé de la lui fournir, sauf cas excessivement rare. Je ne vais pas rentrer dans cette petite exception. En fait, ce qui a été institué en France par la loi Leonetti-Claeys, c'est le droit à la fin de vie, quand on veut, opposable au médecin. Et là, on est finalement dans une situation qui est plus extrême, par certains côtés, que la loi d'euthanasie belge ou néerlandaise. Pourquoi ? Parce que le médecin belge ou néerlandais reçoit une demande d'euthanasie, l'étudie, l'évalue et estime qu'elle est justifiée ou non, s'en enquiert auprès d'une commission. Alors tout ça est abominable, je ne dis pas l'inverse, mais en tout cas, on ne peut pas l'obliger à fournir une euthanasie et il peut dire non, cette personne n'entre pas dans le cadre de la loi. En France, c'est la personne elle-même qui décide. C'est l'autonomie du patient poussée à l'extrême. Et elle peut donc demander, même quand elle n'est pas en fin de vie, elle est une personne tétraplégique, consciente, peut dire « bon, maintenant ça va, arrêtez de me nourrir, je veux mourir ». Ce qui est quand même contraire à la médecine, tout simplement, parce que l'hydratation et l'alimentation sont des soins ordinaires qui sont toujours dus. Et la loi précise bien, et c'est encore un drame de cette nouvelle loi Claeys-Leonetti, que l'hydratation et l'alimentation sont des traitements et qu'on peut donc les suspendre. Donc on est dans une situation où on a augmenté considérablement la zone grise entre les soins palliatifs, le soulagement de la douleur qui peut passer par des solutions parfois extrêmes, et l'euthanasie lente. Il y a toute une zone grise maintenant où finalement on va multiplier les mises à mort qui n'en sont pas, qui en sont quand même, et où le médecin n'aura presque plus son mot à dire. Après, il y a toute la question des directives anticipées pour les personnes qui ne peuvent plus exprimer leur volonté. C'est le cas de Vincent Lambert. Alors là, on ouvre la porte à des mises à mort systématique ou quasi. Mais là, qu'est-ce qui va décider alors ? Rappelez-moi, là, je ne comprends pas très bien. Alors, quand il y a des directives anticipées, la personne elle-même a laissé des directives et dit, tiens, et dit, si je suis dans tel état, je veux qu'on cesse de me nourrir. D'accord, là, ça va. Cas. Deuxième cas, elle n'a pas laissé de directive, on va s'adresser à ces personnes de confiance. Soit elle en a désigné une, soit elle n'en a pas désigné. Si elle n'en a pas désigné, on va voir ses proches, donc sa famille, ses héritiers peut-être, ses amis, que pensait cette personne de la fin de vie. Et donc, de fil en aiguille, on arrive à une solution. Il y a une pondération des voix dans ce système. Il n'y a pas de pondération, et puis on ne tient pas compte du patrimoine du futur défunt. Et en fait, dans ces cas-là, d'absence de directive, d'absence de personne de confiance, et à ce moment-là, c'est le médecin qui, en gros, décide au terme d'une décision collégiale. Et donc là, on est vraiment dans une mécanisation de la mort, d'autant plus regrettable qu'on vole leur mort aux gens en les plongeant dans une inconscience dont on ne peut pas sortir, c'est ça qui est important de noter, qu'on soulage la douleur et que l'on provoque des comas légers, que l'on provoque un endormissement dont la personne peut sortir un peu, se sentir mieux, retrouver ses proches, etc., avoir une fin de vie humaine. Ici, on a simplement, eh bien, on vous endort et puis on attend que ce soit fini. C'est un peu plus long que la piqûre euthanasique qui prend quelques minutes, et là, ça peut prendre quelques jours, mais nous pouvons être dans la même logique sans être jamais tout à fait sûr d'être face à une euthanasie lente ou une sédation palliative parfaitement normale. Ce qui est toujours dans la même méthode, c'est le flou. C'est le flou total. Le flou, c'est la grande méthode utilisée. Sauf que dans certains cas, évidemment, on est certain, dans un cas comme celui de Vincent Lambert, on est sûr de la volonté euthanasique. D'accord. Il est 20h41, vous écoutez Radio Courtoisie, le Libre Journal, la Liberté Surveillée avec Jeanne Smith, Jérôme Bourbon, Camille Gallic, Charlotte Dornella, et on va passer à autre chose. Est-ce que quelqu'un a envie de parler de l'affaire des VTC, des taxis? Parce que ça reposerait un peu des questions graves. Et mon avis, ce n'est pas du tout un détail, les VTC, les taxis. Il y a un vrai débat, mais apparemment, non, si, oui. Charlotte, parlez-nous des VTC. Alors, si le débat est de fond, je vais avoir du mal à vous parler des VTC et des taxis, parce que c'est, encore une fois, pas du tout ma spécialité. Ce que j'en vois, moi, c'est je pense qu'on voit tous les utilisateurs de l'un et de l'autre, et que je ne comprends toujours pas la stratégie des taxis qui sont odieux depuis des années. Quand les VTC sont arrivés sur le marché, la première chose, moi qui habitais depuis quelques années à Paris, la première chose que je me suis dit, c'est enfin une alternative aux taxis. Ils sont tellement insupportables, c'est jamais leur chemin, c'est jamais le moment d'être aimable, et c'est toujours par contre le moment de faire payer bien comme il faut. Et là, tout à coup, pour protester, ils bloquent les automobilistes, ils mettent le feu sur les routes. Je comprends pas leur stratégie. Si c'est récupérer les clients qu'ils ont perdus à force d'être mal aimables, c'est pas comme ça qu'ils vont. Mais moi, je comprends pas autre chose. Je comprends pas la stratégie du gouvernement, parce que il y a un système qui est un système de numerus clausus avec des licences. Et tout d'un coup, on ouvre. Alors, forcément, ça peut pas marcher. Je ne sais pas si les taxis sont aimables. Moi, j'aime beaucoup discuter avec les chauffeurs de taxi. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une haute analyse, mais je pense que c'est... Parce que les chauffeurs de taxi, quand même, politiquement parlant, ils sont souvent très intéressants. Mais ça, c'est encore autre chose. Quoi, vous n'aimez pas parler avec les chauffeurs de taxi? Si, mais est-ce qu'ils sont intéressants politiquement? Je ne sais pas, mais... Bon. Mais bon, alors il y a effectivement les chauffeurs de taxi, mais il y a les autres. Quelle est la justification que peut donner le gouvernement de sa stratégie? J'ai toujours pas compris, moi non plus. J'ai pas de réponse. Finalement, personne n'aura de réponse parce que je... Oui, il y a d'une part une profession qui croule sous les réglementations, qui achète excessivement cher sa licence, qui a des charges sans fin et des obligations également très lourdes et qui se trouve face à d'autres qui agissent en pleine liberté. Il y a là une incohérence totale. Moi, ce qui m'a terrifiée, c'est d'apprendre que pour les jeux de en 2020, ça sera en Asie. 2020, c'est où? C'est... 2020, est-ce que... En tout cas, apparemment, ça ne passionne pas les... Je crois que c'est à Séoul, mais je n'en suis pas sûre. Hein. Et alors Eh bien, il y aura... tous les taxis seront... seront des drones, en quelque sorte, il n'y aura pas de chauffeur. Ah, ça, des taxis, ça, c'était... Donc, on les commandera sur son smartphone, ils arriveront, mais il n'y aura pas de chauffeur. Donc, c'est 2020, c'est demain. C'est demain. C'est la demain. Conduite assistée complètement. Et donc, là, si vous voulez, c'est vraiment... La crise des taxis me paraît révélatrice et inquiétante en cela qu'elle annonce... Oui, des quantités. Elle est déjà dépassée. C'est ça elle est dépassée. Et elle annonce des quantités. Enfin, que va-t-on faire ? Que va-t-on faire de ces millions de gens qui se retrouveront au chômage avec la robotique poussée ouais. à ce point ? Alors on dit, ah mais il faudra des gens pour fabriquer les robots. Mais déjà, les robots seront fabriqués par des robots. Et il y aura un point de technicité auquel, dans nos sociétés qui sont justement où l'immigration est de plus en plus présente et prégnante, où des gens seront totalement incapables d'exercer, le voudrait-il, un emploi ? Et je pense que c'est en prévision de cette société où les humains n'auront plus la place qu'il est tellement question du revenu universel. Ça, là, on est sur un problème de fond qui est abordé par le biais des taxis, mais effectivement, ça, c'est... Ce sont les jeux de Tokyo, Camille. Tokyo. Ah, c'est les smartphones. Il n'y a plus besoin de gens pour avoir de la mémoire, Tokyo. Parce qu'il y a, des smartphones qui ont la mémoire. Les intelligents téléphones, s'il vous plaît. Les intelligents téléphones. Voilà. Alors, sur la situation à Calais, vous pourriez rappeler les funestes accords du Touquet signés en 2003 entre la France et l'Angleterre, qui visaient à renforcer les contrôles au départ de la France pour juguler l'immigration clandestine en Grande-Bretagne et les déplacer de facto la frontière avec l'Angleterre à Calais. Donc, c'est la police française qui doit se dépatouiller de la situation là-bas pour le compte de l'Angleterre. Juppé a parlé de ces accords lors de sa récente visite à Calais. Pour rappel, à l'époque, Raffarin était Premier ministre et Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Bien, très bien. C'est une question pour Charlotte. Je ne trouve rien, nous dit Gilles Quincy, sur les derniers événements d'Alep. Peut-on en savoir plus ? Alors, dites-nous en plus. C'est sur la carte. On vient de me donner une carte d'un monsieur très renseigné qui s'appelle De Syracuse sur Twitter, si le monsieur veut aller voir, qui doit être sur Facebook aussi, et qui est très renseigné sur les dernières avancées militaires. Donc, c'est juste en fait une carte que j'ai vue tout à l'heure, là, juste avant d'arriver. Et comme ces informations sont fiables à 99%, voilà, c'est pour ça que je l'ai dit. Donc, rappelez-nous la carte, c'est dégagé zone, par quel coin ? Par le sud. Par le sud, voilà. Donc voilà, ça vient de sortir, ça n'est même pas encore sorti. Voilà. J'espère ne pas me tromper. C'est une exclusivité Radio Courtoisie, Charlotte Dornelas. Voilà. Pas directement, bon. J'espère ne pas me tromper, évidemment. Pouvez-vous parler des prolongations professionnelles des amis de M. Hollande qu'il recasse partout ? Qu'est-ce qu'il est en train de recaser, Hollande, en ce moment ? C'est plutôt Manuel Valls. Enfin, j'ai vu que les chefs de cabinet des ministres, comme il est question de remaniement et que personne ne sait si on gardera sa place ou pas, que la mairie de Paris était submergée de curriculum vitae, de conseillers et de directeurs de cabinet. Vous avez eu quelque chose de comparable, Jérôme ? Moi, j'ai pas vu. Je veux dire que je. Mais en tout cas, en effet, il y a eu. C'est vrai que j'avais même pensé en faire un article, et puis il y a eu des choses. Mais c'est très impressionnant le nombre de gens reclassés par Hollande. Et qui ne sont pas tous, même pas au premier cercle politique. Enfin, c'est aussi les copains. Les amis des amis. Les amis des amis, oui. D'accord. Alors moi, dans les musées, il y a tellement de. Il y a pas mal de prébendes. De prébendes de la République. La République est bonne riche en fromage, quoi, autant que la France. Ah, il y a plus de 350 fromages dans la République. Oh là là ! Dites-moi, moi, est-ce que quelqu'un ici a lu, aurait lu l'interview qu'a donnée le pape François à Asian Times sur la Chine ? Non. Eh bien alors, c'est dommage. Alors, je vais être obligé de vendre moi-même l'article. Il a fait une longue déclaration pour le temps de l'Asie, où il explique qu'il doit, on ne doit pas avoir peur de l'essor chinois, ça c'est le premier point. Mais le deuxième point, il dit surtout aux Chinois qu'ils doivent être fiers de toute leur histoire. C'est très bien parce que c'est quelque chose contre la repentance. Et notamment, ils doivent être fiers de leur histoire et de continuer à avancer, quelles que soient les erreurs. L'important est d'avancer. Et ils trouvent moyen de ne pas condamner le communisme. De ne pas condamner, qui est tout de même intrinsèquement pervers, de ne pas dire un mot de ce qu'on appelle l'Église patriotique, c'est-à-dire vraiment... Il y a un accord, d'ailleurs, j'ai lu effectivement que maintenant c'est l'Église patriotique chinoise, l'Église clandestine totalement... Alors l'Église, de ne pas dire un mot des martyrs chinois, de tout ça, et de dire, on a l'impression, alors c'est une interprétation qu'on peut faire, que ici, comme dans la pastorale des divorcés remariés, l'idée à faire passer, c'est que tout le monde est d'accord, que l'Église maintenant est d'accord avec les directives de l'ONU en matière de morale, qu'il n'y a pas de vraie discussion, il n'y a pas de vraie divergence entre Rome et le communisme, par exemple. Finalement, on est en train, moi je crois que c'est ça, encore une fois, le but de l'opération, c'est de préparer une espèce de consensus, de convergence mondialiste pour la future gouvernance mondiale, et qu'il le fait évidemment à sa manière, c'est-à-dire, je dirais, à sa manière altermondialiste, à gauche, hein, mais il le fait de façon très, très, très, très nette. Hein, c'est quelque chose. Je vous recommande la lecture de cette interview, parce qu'elle est spectaculaire, hein, dans tous ses silences, comme dans sa façon aussi de considérer l'histoire comme un processus hegelien, finalement. Hein, c'est tout, donc c'est net. Hein. Oui, Jeanne. Oui, je ne l'ai pas lu et je la lirai certainement, Martin, mais je voulais rebondir en disant que le cardinal Zen, qui en l'occurrence ne l'est pas du tout et qui est un vieux cardinal chinois, il était furieux. Cardinal Zen est furieux, c'est ça votre titre. Et oui, il a publié une lettre sur son blog, une grande mise en cause, une dénonciation de la politique actuelle qu'il ne veut pas croire Vatican. De favoriser les nominations d'évêques sous le regard du gouvernement communiste chinois. C'est un document extrêmement vif et qui a été repris, ce qui est très intéressant, par Asia News, qui est une organisation ecclésiale. Donc sa voix n'est pas étouffée. Et ça mérite vraiment une petite recherche sur Internet pour trouver cette lettre du cardinal Zen, Z-E-N, sur les nominations actuelles d'évêques en Chine et qui marginalise et qui méprise l'Église catholique clandestine qui est toujours restée unie la véritable Église fidèle. Et c'est en cohérence avec la vidéo que François a fait début janvier, où on voit d'abord un Bouddha dans un premier temps, et puis un juif, et l'enfant Jésus n'arrive qu'en troisième position, pour montrer qu'il n'y a aucune différence finalement entre les grandes religions, les grandes spiritualités. On est vraiment dans l'apostasie la plus totale. Si on ajoute à ça ce qui s'est passé au synode sur la famille, et des déclarations scandaleuses tous les jours, hein, si on les suit tous les jours, il y a des choses effrayantes, quoi, tous les jours. Ça n'empêche pas, semble-t-il, un certain nombre d'organisations dites traditionnalistes de vouloir quand même trouver un accord avec ces gens-là. Chacun tirera les conséquences qu'on voudra ou pas. Il nous reste 2 minutes. Écoutez, on peut peut-être faire un petit tour de table. Qu'est-ce que vous diriez pour conclure cette émission qui a trop duré? Qu'est-ce que je dirais pour conclure? Je crois qu'aujourd'hui, non, mais évidemment, j'étais là-bas, donc c'est la question des manifestations qui sont interdites, notamment à Calais et à Saint-Brieuc également. Mais c'est assez exceptionnel parce que d'habitude, quand les manifestations sont interdites, c'est au nom de l'ordre public. Et cette fois-ci, le préfet donc responsable de Saint-Brieuc l'a interdit parce que non, l'Europe n'est pas menacée par l'islamisation. Donc c'est une interdiction parfaitement idéologique. C'est quand même la première fois que je le vois aussi clairement. Ça vaut le coup d'être noté. Voilà.